Retro Nouveau. Bienvenue à cette deuxième émission de Rétro Nouveau. On va commencer ça avec une discussion existentielle sur les jeux vidéo. Dominique, c'est quoi le sujet? Ben, c'est pas un sujet en particulier, mais... Plus en général. En général, en écoutant les autres podcasts, il y a beaucoup de discussions qui se font sur les jeux vidéo d'aujourd'hui et tout ça. Puis ça m'a donné le goût d'en parler un petit peu, là. Parce que nous, on est la trentaine. Oui. Puis, écoute, moi, j'ai commencé avec un Atari 2600. Toi, t'as commencé avec quoi, Bruno? Moi, j'ai commencé avec un Atari 2600 aussi. Je jouais chez une amie avec un ordinateur, je pense que c'était un Commodore 64, ouais. Je jouais avec des cassettes audio. Là. Ouais. Ça, j'ai commencé avec ça, puis après ça, je me suis acheté un Atari. Puis c'est ça, aujourd'hui, écoute, la façon de jouer a beaucoup changé. Ouais. Quand je regarde, si je compare les gens de notre génération avec la nouvelle génération. Puis, tu sais, dans le temps, moi, j'avais une cassette de Nintendo par année, deux si j'étais chanceux. Ouais. À Noël, tu sais, il fallait que je sauve mon argent. Puis là, t'allais au magasin, tu sais, puis là, tu regardais les pochettes. Ouais. Ça avait de l'allure. La pochette était belle, tu l'achetais. Ah, ouais, là, ouais. Ben, aussi les compagnies, tu sais, ouais. Tu connaissais un petit peu ça. Konami, plus une valeur sûre qu'un ouais. LGN. Ben, moi, j'étais Konami Data East. Ah, ouais. Je m'en tenais à ça, là. Puis Capcom. Capcom, aussi, Nintendo, tu sais, mais tu disais que c'était Koei ou des ah, compagnie ouais. De même, Natsume, j'étais comme je trouvais ça moins beau. T'sais. Ah, puis il y en a des. Puis on le savait déjà pour en avoir ouais. Joué, tu sais, qu'un jeu de Taxan, tu sais, va être ouais. Vraiment pas aussi puissant qu'un jeu de Capcom. Bref, on n'avait pas d'options, puis on n'avait pas Internet non plus. Ça fait que tu prenais ton 70$, 80$, tu allais au magasin that's avec it. Ta mère, c'est comme ça va être celui-là cette année, tu sais. Ouais. Et moi, j'avais acheté Mission Impossible de Ultra Games sur le NES une année. Cover était beau. En arrière, ça avait l'air beau, c'était cœur. Oui, ça avait l'air débile, ça avait l'air varié. En arrière, là, plein d'images, ça avait l'air cool. Là. Mais pour l'enfant que j'étais, puis que je comprenais pas très bien l'anglais, je n'étais pas ouais. Très jeune, tu sais, ça fait que. Puis il y a beaucoup de choses à lire, des places à aller, tu sais, ça n'a pas marché, là. Puis. Mm. Mais c'était ça dans le temps, tu sais, nous, on choisissait comme ça, on louait des jeux, on n'en avait pas souvent. Les jeux étaient très difficiles. Ah, c'était tough. Vraiment, fallait que tu joues, puis que tu rejoues Castlevania 3, tu sais, ouais. Moi, j'ai joué longtemps à ça, là, puis tuer Dracula à la fin, là, ça m'a pris, tu sais, des mois, là, vraiment, parce que... Mais c'était ton jeu, c'était le jeu que t'avais, c'était ça que t'avais dépensé, fait que tu te disais, c'est pas grave, je le finis, je l'ai loué, je l'ai acheté, absolument. Je le finis, tu sais. Mais les jeux d'aujourd'hui, j'en ai joué plusieurs, là, bien, ouais, bien ouais. Sûr. Puis, mais je l'ai fini plus facilement. Ouais, c'est plus facile. C'est meilleur. Je penserais pas. Ben, peut-être un non, jour. Mais ça se peut aussi parce que quand on regarde le rétro gaming, là, tous les vieux jeux, ça demandait pas mal plus de force visuelle, d'acuité. Ça demandait vraiment réflexe, là, hein. Beaucoup plus de réflexe, je trouve, que maintenant. Maintenant, ouais. On t'aide beaucoup. Il faut que tu sautes, on te demande de sauter. Il faut que tu frappes, on te demande de frapper. Tu as des vies à l'infini, tu as des ouais. Continuos à l'infini. C'est moins cher. Oui. Tout est vraiment beaucoup moins cher. Il y a beaucoup de microtransactions, mais mis à part les microtransactions, il y a des jeux qui sont en téléchargement. Puis là, tu vas chercher ça pour 10$. Puis même des nouveaux jeux, nous autres, nos jeux de Nintendo là, ou de Sega avant, qui tombent à 10$, ah. Ça prenait une éternité. Il fallait que tu les loues. Là, oh, oui, oui. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est plus simple. Avec une carte de crédit, on donne oui. Ce qu'on veut. C'est bien correct aussi. Oui. Mais tu sais, je me demande les jeunes comment est-ce qu'ils font. Tu sais, il y a... Mettons, là... Ben, je vois qu'il y a des jeunes qui utilisent les cartes de crédit de leurs parents. Leurs parents, c'est ça. J'espère qu'il y a un certain contrôle. Hey, ça peut aller vite, là, par ben, avec ce qui s'était passé avec le PlayStation Network, il y a ouais. Des jeunes là, qui se sont fait taper ses doigts. J'en ai entendu un qui avait appelé à Radio Talbot, puis ah ouais. Il disait, ben là, c'était la carte de mes parents, là. D'ailleurs, si vous pouvez télécharger ce podcast-là, c'était tellement drôle. T'sais, le petit gars, il avait l'air désemparé, ah. Là. Mais tu sais, tu n'utilises pas... Si t'es jeune et tu nous écoutes, là, utilise pas la carte de crédit de tes parents ou si tu l'utilises, là, demande. Vraiment, demande puis dis ce que t'achètes parce que ça monte tellement vite avec une carte de crédit. Ah, puis oui, ah, oui. Même à notre âge, nous autres, là, moi, je me dompte pas, là, ben vraiment. Là, puis on essaye aussi. Puis ouais. On n'hésite pas deux secondes à essayer pour 5$, 10$, des fois, choses qu'on n'aurait jamais faites dans le temps. T'sais. Non, c'est ça. Puis maintenant aussi, les jeux, ce qui arrive, c'est que tu télécharges la démo. Puis là, tu joues des mots. Ah, c'est le fun. Là, déverrouiller la version complète. Ouais. 195. Paf! T'achètes, t'emmènes sur le store, sur XBLA, sur PSN. Tu l'achètes tout de suite, puis c'est fini, tu sais. Mm. C'est bien moins top d'acheter un jeu, là. Ah, vraiment? Mais il y en a, ben, il y en a, on dirait, beaucoup plus aussi. Il y a plus de consoles. Ben, ouais, c'est ça. Je pense que ça, il y a peut-être aussi beaucoup plus de développeurs indépendants. Puis il y a plus de développeurs qu'avant. L'industrie du jeu a vraiment explosé avec le temps. Tandis que dans le temps, si on regarde en 1900, de 1980 à 1990, ça a quand même été un phénomène. C'était, ça faisait partie de la culture populaire, mais c'était quand même assez underground, tu sais. Ouais. Tu jouais à des jeux vidéo, tu étais visiblement un enfant. Ça, c'était sûr et certain. Jour où on a su que les joueurs, c'était majoritairement la trentaine, tout le monde en est resté surpris. Puis même moi, des fois, justement, je dis que je joue à des jeux vidéo ou je dis que je critique des jeux vidéo à la TV, puis le monde sont comme... ça te tente pas de vieillir un peu, tu sais. Ben, regarde, tu sais, il y en a qui collectionnent les poupées. Moi, je sais déjà des jeux vidéo, tu sais, je sais pas. Ben, c'est une passion en même temps. Moi, j'essaye de l'expliquer un peu à mes amis aussi. Tu sais, je suis pas. C'est pas loser, tu sais. C'est ça. C'est pas pire qu'autre chose, là. Exact. C'est juste amusant. On a grandi là-dedans, on a continué là-dedans. Puis. Il y a la nostalgie aussi, je veux dire. Regarde, si c'est les. Si t'as des souvenirs qui sont reliés aux jeux vidéo quand t'étais jeune, ce qui est pas mal tout le temps ça pour un gamer, tu sais, quand tu rejoues à ces jeux-là, tu sais, te ramène là, pis c'est le fun. Moi, il y a des tunes que j'écoute, surtout du Nintendo, parce que c'est vraiment le Nintendo qui m'a marqué quand j'étais jeune. J'écoute la tune de Castlevania 1, là, pis je suis comme, ouais, ça c'était cool, tu sais. Puis je me souviens de tout, je me souviens de mes amis quand j'étais jeune, c'est vraiment le fun. Maintenant, ce qui est plate, c'est que nous autres aussi, on est rendu à un certain âge. On consomme beaucoup. C'est ça, on consomme beaucoup, puis on est rendu à l'âge où on a ce pouvoir-là. Ben oui. Moi, je pense que les jeunes ont peut-être pas le même pouvoir, peut-être aussi qu'ils sont au même niveau. Ouais. Exact. Ils apprécient plus quand ils ont quelque chose, vu qu'ils n'ont pas le même pouvoir d'achat que nous, alors que nous, ben, on est des adultes. Là. On achète ce qu'on veut, puis on n'a pas de compte à rendre. Là. Exact. Fait qu'on consomme rapidement les jeux. Il y a des nouveautés à toutes les semaines, des gros jeux qui ressortent, puis des suites, toujours. C'est sans arrêt. Là. Des fois, comme Assassin's Creed, là, Je trouve ça ridicule. Et ils en sortent un à toutes les années. C'est difficile à suivre parce qu'il y en a tout le temps. Mais à un moment donné, je trouve que ça dilue une licence. Et je trouve ça plate. J'aime l'idée aussi d'attendre après un jeu, d'avoir le temps d'essayer d'autres choses. J'ai pas essayé une Famous 2, j'ai entendu bien du monde en parler. Vraiment bon. Ben, il paraît. Ouais, ouais. Mais est-ce que ça aurait été meilleur, peut-être encore plus, s'il avait attendu un peu, c'est sorti assez vite, les deux. Et ça a pris quand même un 2 ans, à peu près. Ça a pris quand même un certain temps, mais il y a des jeux que c'est quand même moins long. Il y a Nintendo qui tiennent le fer bien chaud avec Mario, mais ce qui est le fun, c'est qu'au moins, ils l'essayent sur plusieurs consoles. Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est quand même bien, mais quand sur une grosse console, tu sors la même licence à toutes les années, ça devient un petit peu... C'est pour l'argent, ces compagnies-là aussi ont d'autres jeux à sortir. Peut-être qu'il n'y a pas eu autant de... Ils se sont pas concentrés assez pour vraiment amener le jeu à un niveau supérieur. C'est juste pour la pièce, là. Qui est plate un peu là-dedans. Des fois, j'ai l'impression qu'Ubisoft se concentre trop sur Assassin's Creed au dépit des autres jeux, tu sais. Mm-hmm. Il y a d'autres jeux qui ont à sortir puis qu'eux autres vont manger une claque. Ça va débarquer quelque part quand t'en fais trop, c'est sûr. C'est sûr que le monde va clasher. Si les jeux sont pas bons. Hein. C'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, vas-y. Puis, pour les jeux qui sont plus faciles. Ouais. Est-ce qu'un système d'achievement présentement serait pas une façon de pallier à des jeux, tu sais, trop faciles? OK, t'as fini le jeu, bon, parfait. À ce temps, finis-le avec tous les gars. OK, maintenant, finis-le en temps record. Là, il faut que tu trouves, tu sais, comme t'as fini ton jeu, t'as plus vraiment envie de jouer, mais là, tu refais les achievements, mais tu sais, c'est pas aussi le fun que ça. C'est le fun de tout trouver dans un jeu, ça. Je l'ai, ce feeling-là. Je vois des RPG en masse, tout ça, mais tu sais, comme courir après les achievements pour que le jeu soit rejouable, c'est-tu une bonne façon? C'est pas populaire, les achievements. Mais les achievements, c'est populaire, mais moi, ce que je trouve plate, puis Nintendo touche un peu à ça avec le club Nintendo. T'as des récompenses avec les jeux que t'achètes. Ouais, ouais. Moi, je trouve qu'on devrait pousser la chose jusqu'à... pas juste les jeux que tu achètes. Tu devrais avoir des récompenses quand tu joues, justement. Si ouais. tu finis le jeu, mettons, là... Je sais pas. Finis le jeu, gagne un sticker. OK, c'est juste un sticker, mais c'est ouais. pas grave, tu sais. Mettons, tu aurais une adresse email, je sais pas trop, un code, puis là, tu gagnes de quoi, ou tu as un... T'as un billet dans... Ça, il y a beaucoup de jeux qui font ça. Comme dernièrement, il y a eu Alice Madness Returns. Quand tu l'achetais, t'avais un coupon à l'intérieur qui te permettait de télécharger le premier jeu de la série qui était sorti sur PC. Quand tu le finissais. Oui. Okay. Ben non, t'es pas obligé de le finir, par exemple. C'est une récompense qui arrive parce que tu l'as acheté. Ah, OK. C'est bien. Sauf que moi, j'aimerais ça que ça soit vraiment... Tu finis le jeu... T'as une vraie récompense. Ça serait pas génial. Juste le mot à l'intérieur de ton écran ouais, dans non, le coin. Ça, c'est bien beau, tous tes amis voient. Ben, regarde, j'ai réussi à faire ça. C'est ça, tu sais. Avoir un vrai cadeau, des crédits au pire, ou ouais. je sais pas quoi, tu sais, ça serait ben, vraiment. Des crédits, ça serait génial. Il y a plein de jeux. Entre autres, tu sais, comme Sony puis Microsoft, WiiWare aussi, il y en a une coupe. Mais il y a bien des jeux aussi qui vont être à peu près à 1 ou 2 $. Genre des petits jeux d'arcade, des jeux faits par des développeurs indépendants. Ouais. Qu'est-ce que ça serait de donner un bon pour un petit jeu de 2 $ à la fin d'un jeu? Ce serait cool d'offrir un petit quelque chose ou d'offrir un... À la place, tu sais, il y a les téléchargements comme des nouveaux skins, un nouveau tableau, un truc comme ça que tu peux downloader sur Internet, tu sais. Mais là, ça serait le fun que t'as fini le jeu. OK, ben t'as fini le jeu, maintenant t'as débarré telle affaire. Maintenant, tu débarres du contenu dans le jeu, mais le contenu est souvent assez minable. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est genre, t'as fini le jeu, maintenant t'es invincible. Maintenant, tu peux jouer avec une grosse tête. C'est comme, ouais, mais c'est pas une récompense, non, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, s'ils donnaient une récompense à la fin aussi... Ce qui, je pense qu'ils le font peut-être pas parce que peut-être pas tout le monde se rend à la fin parce qu'il y a tellement de jeux qu'il faut jouer que le temps de passer à travers ces jeux-là, tu passerais trop de temps là, sur un jeu. Il faudrait que tu en achètes d'autres, que ça soit payant pour les payants, pour les compagnies. Fait que, puis pour pas que ça soit trop facile d'avoir la récompense, il faudrait que les jeux soient un peu plus durs. Ouais, c'est plus ça. Dur dit plus long, qui dit plus long dit consomme moins. Fait qu'il y a tout un racket. Il y a quelque chose en dessous de ça. Mais toi, tu m'avais pas parlé qu'il y avait une affaire. C'était Atari, je pense, qu'il y avait un système de récompense avec des badges ou je sais pas trop. Ouais, ben, je vais en reparler tantôt dans ma critique d'aujourd'hui. OK. Mais non, c'est ça. Moi, je trouve que c'est... Maintenant, c'est facile. C'est facile d'acheter un jeu. C'est facile de vendre un jeu. On est comme rendu dans une société. Ah oui, ça, c'est une autre affaire. Vraiment facile. Là. Tout est facile. Tu peux aller échanger au club vidéo. Mais tout, c'est ça où l'amour des jeux? T'sais, moi, mes jeux... Ben, peut-être que je suis une exception, là, mais les jeux, je les garde. T'inquiète. J'en prends soin. Ils sont dans ma bibliothèque. Je les garde toutes. Là. T'sais, les jeux que j'achète avec mon argent... Si ben, c'est que t'es vraiment un collectionneur, oui, je pense. Oui, c'est peut-être ça, mais il y a comme plus d'amour envers les jeux aujourd'hui. J'ai fini une Famous, je vais porter ça au magasin. J'ai fini Elle est noire, je vais porter ça au magasin. Je vais prendre un autre jeu, tu sais. Ben, c'est des bons jeux, c'est supposé te donner des souvenirs. Je sais pas, t'es supposé. C'est sûr, mais moi je suis comme ça, justement. Moi, je vends mes jeux. Je me débarrasse de certains jeux. Il y a des jeux que je garde. Des jeux que tu mérites de garder. Il y a des jeux que je garde. Tu sais, comme, admettons, il y a un jeu que j'ai gardé qui est Mirror's Edge. Oui. Ça, je l'ai gardé tout simplement parce que quand j'ai fini le jeu, j'ai tellement trippé que j'ai fini puis j'ai fait comme je veux le refaire tout de suite. Puis ça a donné que je me disais tout le temps ça. Puis je l'ai refait un bout après, quand même, ça a quand même pris un bon bout de temps. Puis le jeu a baissé en valeur puis ça valait pas la peine. Oui. Mais si... Je finis un jeu à l'intérieur d'une semaine ou moins que ça. Comme, mettons, là, tu t'achètes Medal of Honor, que tout le monde connaît, tout le monde l'haït à cause qu'il est pas long. Bon, tu l'as fini en dedans de 5 heures, admettons. Là, tu fais comme, fuck, c'était rien que 5 heures, c'est donc bien pourri, ça. Fait que tu t'en vas le vendre, tu vas le vendre à l'intérieur d'une semaine, fait que tu vas avoir une bonne valeur. Ah, c'est ça. Puis tu vas pouvoir racheter un autre jeu. Ah. Fait que c'est ça l'affaire. C'est juste que vendre vite pour avoir une bonne valeur. Totalement. Fait que ça augmente le roulement encore. Tout le temps. Le roulement est encouragé. Ah oui. Puis il faut que tu aies un petit truc à ceux-là qui écoutent, là. Regardez bien comme il faut aux endroits. Des fois, EB Games ont la meilleure valeur de revente, mais des fois aussi Microplay ont la meilleure valeur de revente. Ça, vraiment, des fois, puis il y a des bons deals sur les échanges aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose à surveiller. Ils ont aussi leur liste de jeux qu'ils recherchent le plus. Fait que moi, je suis comme ça parce que je consomme énormément de jeux vidéo. Ouais. Si j'étais le genre de personne qui qui voit un jeu puis qui fait comme ce jeu-là, il arrive dans un an puis c'est lui que je veux. Mais je suis pas comme ça. Moi, il y en a à peu près 10 de même que je me dis, il arrive dans un an puis je le veux. Mais la plupart du temps, ils vont tous sortir le même jour. Mettons, je vais tous les acheter, je vais me retrouver avec 3 jeux. Visiblement, je peux pas jouer à 3 jeux en même temps. Ouais. Fait que là, je vais en finir un super rapidement. Puis vu qu'il faut que je passe aux 2 autres, celui que je viens de finir, j'ai plus vraiment d'intérêt pour. Puis ouais. Aussi, quand je fais des critiques à Monsieur Net, je vis mon jeu là, intensément pendant une semaine. Là, je pense rien qu'à ça, je joue rien qu'à ça, je fais rien que ça. Fait que quand je suis rendu à ma critique, que je fais ma critique, à la fin de la critique, la plupart du temps, mon feeling, c'est comme... C'est ça, je veux plus rien savoir de ce jeu-là. Même quand je l'ai aimé, à la fin, je suis comme, OK, c'est fini, that's it. Là, mais t'as pas envie de le garder, tu sais, mettons, un classique, là, je pense au temps que j'ai aussi, puis je me dis, quand est-ce que je vais jouer à ça? Ou plutôt, tu penses à l'espace que t'as besoin chez vous. Là, ouais, c'est ça, parce que la plupart du temps, il y a tout le temps à peu près... Si t'avais un entrepôt, mettons, ouais, si j'avais un entrepôt, local à toi de jeux vidéo, ton lair, là. Ouais, j'en garderais pas mal plus. Ouais. J'en garderais pas mal plus. Comme là, tu sais, j'ai en moyenne la plupart du temps environ une 60aine de jeux chez nous avec toutes mes consoles. T'sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné aussi, tu sais, je manque de place. Il y a des jeux que je regarde, puis je suis comme, je devrais vendre ça, je joue jamais, ça me sert à rien. Là, je check combien il vaut. Là, je fais comme, ah, OK, j'ai comme trop attendu, il vaut 7$ maintenant. Ouais. Fait que je laisse faire, puis je le vends pas, puis coudon, je le garde. Il y a des jeux de même que j'ai gardé que c'était pas des merveilles, tu sais. Mais je les ai gardés parce que justement. Ils ne valent plus rien, ils sont des banasses, ouais. C'est ça, tu sais. Fait que. Alors, moi, c'est vraiment totalement l'inverse, en fait. Là. Si je peux conseiller quelque chose aux jeunes d'aujourd'hui qui commencent à ramasser les jeux ou qui les gardent finalement, parce que moi, en grandissant, j'ai vendu des affaires qu'aujourd'hui, ça vaut de l'or. Là. Moi, totalement. J'avais Final Fantasy 3 au Super Nintendo, je l'ai acheté la semaine que ça a sorti, je l'avais complet, toutes les cartes, tout le kit, tu sais. Ce jeu-là, je l'ai vendu, là, j'ai envie de pleurer, là, je pense que j'ai vendu 10$. Il était clean, clean. Colin. Il était parfait, là. Moi, j'ai toujours fait attention à mes jeux. Puis aujourd'hui, là, j'ai racheté juste la cassette un peu scrap, tu sais, 50$, là. Fait que c'est... Aujourd'hui, tu vois, j'achète des jeux en pensant à plus tard. Ouais. Donc, sur ma Wii, j'achète, je sais pas, Donkey Kong Country Returns. Je sais que c'est un bon jeu pour la Wii, tu sais, puis je le garde. Même si je le finis, je vais le garder pareil parce que dans 20 ans, tu sais, je vais avoir du bon stock de Wii, tu comprends? Ouais. Parce que c'est ça, le bon stock de Nintendo, c'était il y a 20 ans, tu sais, que je m'en suis débarrassé, mais j'en ai encore. Donc, je pense à long terme, là, dans le fond, pour le bienfait de ma collection. Fait que si vous collectionnez, là, dépêchez-vous pas de jeter ou de vous débarrasser de vos affaires. Si vous avez l'âme du collectionneur, là, pour les jeux, surtout les jeunes, là, oubliez pas qu'il y a des jeux aujourd'hui que vous achetez, tu sais, 40$, je sais pas quoi, même usagés, qui vont valoir là, une beurre. Ça va avoir du cash. Mais tu sais, je veux même pas les vendre pour l'argent. Mais en même temps, c'est un peu ridicule. Mais rendu là, tu vas te dire peut-être aussi. Peut-être que dans 10 ans, il va avoir plus cher. C'est ça. Mais tu sais, j'essaye de tout garder maintenant. Puis même quand j'achète, des fois, il faut que j'achète en batch des jeux. Tu sais, mettons des jeux d'Atari, t'achètes pas ça à l'unité nécessairement. T'achètes un lot quand t'en veux deux, trois. Là. Fait que j'ai des doublons, des affaires de banque. Ouais. Mais même à ça, je sais pas, je les garde tout d'un coup, tu sais. Fait que c'est un mais coup. Moi, check mon pire coup, là. Parce que tu me diras ton pire coup, parce que moi, mon pire coup d'échange, j'ai fait quand j'étais jeune. Ouais. J'ai échangé Kid Icarus en condition impeccable. Il y avait tout, il était encore dans le plastique. Je l'ai tellement détesté, ce jeu-là, je l'ai payé plein prix. Puis je l'ai échangé contre une version. Pas de pochette en plastique noir de Nintendo de Bad Dudes. Puis j'étais tellement triste, là, parce que Bad Dudes, en plus, je l'ai fait comme en une soirée, je pense, chez nous, quand j'étais jeune, tu sais. Puis tu sais, c'est malade, ça, quand on pense. Puis une autre affaire qu'on faisait quand on était petit, tu sais, t'ouvrais le jeu, là, tu gardais la Nintendo, tu gardais la cassette, les filles noires, tu sacres la pochette au vidange. La pochette au vidange, c'est le reste. Je pense à ça, tu sais, aujourd'hui, t'achètes juste des pochettes toutes seules sur eBay pour compléter tes jeux, tu sais, une vraie instruction. Fait que, oh boy, non. Ouais, non, c'est moi, j'ai, écoute, Final Fantasy 3, Actraiser 2, qui était sur le Super NES, il y a eu un 2, là, très peu connu, puis pas vraiment bon, mais j'avais payé une beurrée, là, tu sais, puis... ça valait tout de quoi, tu sais. Là, après, tous mes jeux de Game Boy, Snow Brothers sur Game Boy. Ça, mon Game Boy, moi, je le regrette à tous les jours. J'ai vendu ça, là, puis j'avais à peu près 40 jeux, puis je comprends pas pourquoi j'ai... j'ai fait ça pour m'acheter un Super Nintendo. C'est ça qu'on faisait aussi, hein, vu qu'on n'avait pas toutes, nous autres, puis il fallait piler notre argent. Moi, j'ai vendu mon Super Nintendo pour m'acheter un snowboard, tu sais, vu que j'achetais pas tout ce que je voulais. Mais aujourd'hui, je regrette parce que j'ai jamais vraiment fait de snowboard. J'ai joué au Super Nintendo. On va passer aux critiques. Ouais. Fait que moi, je vais commencer ma critique cette semaine. On vous fait pas de critique vraiment rétro-nouveau, mais on va vous parler quand même de nouveaux jeux et de jeux rétro. On va commencer ça. Moi, j'ai essayé un petit jeu qui se télécharge et qui est excellent. Ça s'appelle Chime Super Deluxe. C'est un jeu, là... on pourrait dire, là, c'est sur la PS3 en passant, c'est sur le PlayStation Network. Je pense pas qu'il est disponible pour XBLA pour l'instant, mais il va probablement l'être bientôt. Je suis pas sûr que c'est exclusif. C'est Zoé Mode qui fait ça. Puis ça coûte environ 10$. Ce que c'est comme un jeu de puzzle. Tu mélanges Tetris puis Lumines. Tetris qui est un jeu de puzzle que tout le monde connaît. Puis Lumines qui est un jeu de puzzle qui mélange musique et puzzle. Puis là-dedans, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut placer les pièces sur une espèce de grosse forme de façon à créer de la musique. La musique, c'est des artistes connus, comme justement, entre autres, il y a Moby qui fait une chanson, qui est en passant la chanson la plus insupportable du jeu. Hein, c'est vraiment de la boîte qu'il a mis. Mais bon, il y a plein d'artistes qui ont mis des tunes, puis tu vas commencer, puis là, au début, disons, tu vas juste avoir un petit peu de drum. Après ça, tu vas commencer à avoir des bouts de piano. Il y a vraiment une progression qui se fait avec chaque pièce qu'on met à l'écran. On n'a pas l'impression qu'on peut perdre dans le jeu. Ouais. Mais explique-moi donc juste vite. Il y a une ligne qui balaye l'écran constamment. Ouais, c'est ça, la ligne qui balaye l'écran. C'est ça qui lit la musique. Là. C'est quand ça. La ligne passe sur la forme, il y a une note qui apparaît. Mais il y a tout le temps, il y a une trame de fond, hein. Il y a un petit drum en arrière. Il y a tout le temps la base de la tune. Ok. Tu sais, comme mettons au début d'une tune, ça peut faire comme ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Okay. Fait que là, t'as comme le bassline en bas. Ouais. Puis après ça, tu continues, puis là, tu ajoutes des éléments sans vraiment savoir c'est quoi que tu ajoutes. Mais là, tu ajoutes des formes, puis ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des gros carrés au final. Fait que là, mettons, tu mets une forme qui est en L, après ça, tu mets une forme qui est en zigzag, tu vas former ça, puis ça va finir par faire un carré ou par faire une forme assez grosse, puis tu vas pouvoir la faire grandir pour augmenter le multiplicateur, pour avoir plus de points. Ça débloque ce carré-là qui est créé. Il débloque comme une partie de la chanson. Oui, exactement. Il débloque une partie de la chanson. Puis, il y a quand même un but à ça. C'est qu'il faut, évidemment, couvrir la plus grande surface. OK. Donc, tu sais, tu couvres ça avec des blocs. Ça va changer en musique. Puis, tu vas couvrir. Puis, tu vas voir ton pourcentage va changer. Pour avoir un nouveau niveau, je pense qu'il faut que tu sois à 60% de la surface. Ça a l'air super facile de même, mais c'est pas évident de couvrir 60% d'une surface. Surtout qu'il faut que tout le temps que tu fasses des pièces carrées, tu sais. Ouais. Tu fais pas juste placer tes blocs comme, mettons, à des jeux comme Blocus. Tu fais pas juste placer ça, ouais, là. Ouais. T'as quand même un but précis, tu sais, puis c'est pas évident. T'as-tu une quantité de blocs parce que... Non, ça arrive tout le temps, ça vient tout le temps. Okay. Ce qui fait que t'as un certain objectif, t'as du temps. Tu peux décider de le faire en 3 minutes, en 6 minutes ou en 9 minutes. Évidemment, dépendant de ça, la difficulté va être différente. Puis, en plus de ça, tu as un timeless mode qui permet de faire ça autant et aussi longtemps que ça va te tenter. Pour te reposer. Exact. Ouais. Mais, tu sais, somme toute, c'est quand même un jeu qui est assez relaxant. Puis, si vous avez une blonde, un chum... c'est le meilleur jeu à jouer en coop parce que t'as pas l'impression de perdre. Tu pogneras jamais une chicane à cause de ça parce que tout le monde est bon à ça. T'sais, tout le monde a déjà joué à Tetris. Tout le monde sait comment faire un carré quand même. Là. Ouais. Fait que c'est quand même assez facile de voir comment tu vas te rendre à la fin. Puis c'est le fun parce que tu débarres tout le temps de nouvelles chansons. Okay. Je sais pas exactement combien qu'il y a de chansons, mais je dirais qu'il y en a au moins une bonne dizaine. À part la toune de Moby... Le reste, ça se fait très bien, le reste est super bon, tu sais. C'est de la musique un peu, la plupart du temps, bon, c'est ça, t'as évidemment, tu sais, c'est trance, techno, un petit peu dance par moment. Mais c'est toute la musique que j'écoute pas vraiment dans la vie, mais dans un jeu vidéo, je suis capable de l'accepter. Ouais, je suis comme, ouais. J'aime ça finalement. Puis là, je me sens minable dans mon lit, mais... Minable dans ton lit. Ah oui, parce que je joue à ça dans mon lit passant. Ouais, j'ai une PS3 dans mon lit. Celui-là qui me connaît, sache que... Toi, t'es bien. Ouais, moi, je suis vraiment... Je suis un peu obsédé par les jeux vidéo. Fait que j'en ai à peu près partout. Fait que j'ai une grosse TV en avant de mon lit. Puis là, je joue à ça. Puis... C'est un bon jeu aussi en passant, si vous voulez aller vous coucher, pas trop être stressé. Ah ouais, ça relaxe. C'est des jeux qui relaxent pas quand tu joues. Exact. Tu joues pas à Call of Duty avant de te coucher. Ben, tu vas faire des cauchemars, ça va être dégueulasse, puis tu dormiras jamais. Fait que moi, je me dis, bon, joue à ça. Chime Super Deluxe, vraiment bon jeu, relaxant, très très bon mode co-op qui fonctionne très bien. Si t'aimes Tetris, si t'aimes Lumines, tu vas adorer ça. Il y a plusieurs previews qu'on peut voir sur Internet, puis les previews qu'on va voir vont nous montrer que le jeu n'est pas très attirant. T'sais, visuellement, c'est pas grand-chose. C'est correct, t'sais, ça fait le job, mais... Faut jouer à ça. Exactement. Si tu joues, tu vas triper. Fait que moi, je vous le conseille fortement, achetez ça. Super bon jeu qui est venu en spécial souvent. Fait que regardez ça, très bon jeu à acheter. Excellent. Moi, je vais parler d'un des classiques. Un classique d'Atari 2600. Un excellent jeu. Ça s'appelle Pressure Cooker. Oh. Donc, c'est un jeu sur le thème des hamburgers. Ah ouais? Il y a eu un autre jeu, Burger Time, sur les hamburgers. Absolument. Burger Time est arrivé en 1982. C'était fait par Data East. OK. Puis ça, c'est arrivé en 1983. Puis c'est fait par Activision. Puis bon, ils ont sûrement nettement repris le thème de hamburger sur Burger Time, mais c'est un... Ils ont un succès. Absolument. Ça marche au Mac, les hamburgers. On veut la pièce, nous autres aussi. Mais ça n'a rien à voir. Les deux jeux sont complètement différents. Okay. C'est juste les burgers qui changent. Okay. Donc, en gros, tu es un cuisinier, faut que tu fasses des hamburgers qui fitent les commandes qu'on t'envoie, finalement. Okay. Fait que l'écran, il est séparé en quatre, si je peux dire. En bas, t'as un tableau de commande avec les ingrédients. Okay. T'as quatre ingrédients, tomates, oignons, laitue, fromage. Puis t'as des rangées horizontales avec des couleurs qui matchent. Okay. Parce qu'il faut que... En tout cas, je l'explique plus tard. Donc, puis il y a des coches. Ouais, c'est ça. T'as des lignes dans le bas de l'écran qui te montrent des coches pour voir si t'as les ingrédients qui marchent, finalement, c'est ça. J'imagine. Fait qu'en bas, c'est dur à expliquer de même, là. Mais quand tu joues, tu catches le tableau, là. Bon, on va mettre des extraits de toute façon sur notre blog en passant pour vous aider. Mettons, il y a une ligne, il y a un burger, tomate et salade. Fait que c'est un burger-là, faut que tu fasses. T'sais. Okay. Fais pas un burger, tomate, oignon, tu sais, ça marchera pas. Fait que ça, c'est ton tableau de commande en bas. En haut, il y a un genre de four sur lequel passe une petite viande qui tombe sur un petit pain. Puis après ça, ça s'en va à ta gauche sur un convoyeur qui descend l'écran vers le bas. Et puis tes ingrédients sont à droite. Et puis, ils sont garochés, là, finalement. Puis toi, tu peux les pousser, en plus, tes ingrédients? Ça, c'est une twist, ouais. OK. Fait que tu regardes ton tableau. Là, tu as des burgers qui défilent à gauche. Là, tu revois en bas ton tableau, j'ai besoin d'un burger, tomate, salade. Fait que là, il t'envoie n'importe quoi à droite. OK, il t'envoie une tomate, tu grabes la tomate, tu la mets sur le burger. Là, il t'envoie un oignon. Là, il faut que tu renvoies l'oignon parce que c'est pas l'ingrédient que ça te prend. Puis là, après ça, il t'envoie une salade, tu pognes la salade. Là, tu la mets. Puis là, quand tu réussis à bien monter ton burger. Ouais. Là, il t'envoie le pain après pour mettre sur le dessus. OK, fait que t'as quand même la confirmation du jeu. T'as la confirmation que ton burger est correct quand tu reçois le pain. T'sais. Quand il y a un pain qui sort en bas, ça veut dire que tu es super content. Fait que à partir de là, tu prends ton hamburger sur le convoyeur, puis tu descends en bas de l'écran. Il y a un autre tableau qui apparaît. Puis là, t'as trois trous, finalement. Je suppose que c'est les docks de livraison. C'est ça. Parce que ça a l'air des gros trous noirs. On dirait que les fiches, j'ai un vidange. Quand j'étais petit. C'est vraiment, on dirait que c'est ça. C'est comme, all right, t'as réussi chaque mois ça dans les vidanges. Absolument. Mais c'est ça. Donc, dans le tableau en bas, il y a trois couleurs. Puis la couleur de ton burger que tu viens de faire va clignoter. Okay. Ton burger, tomate là-dessus, s'il était sur une bande bleue, c'est la bande bleue qui clignote. Il faut que tu ailles le dropper dans le trou bleu, finalement. Fait que faut que tu fasses tous tes burgers comme ça, puis tu les mets dans les bons trous. Okay. Fait que quand j'étais petit, puis d'après ce que j'ai vu sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas catché comment renvoyer les ingrédients. Parce que tu as juste un bouton sur l'Atari, tu sais. OK, c'était une twist, ça. Quand tu vois qu'il y a un oignon qui sort, tu n'as pas besoin d'oignon, tu gardes ton doigt sur le bouton, puis tu vas vis-à-vis la... Et tabarnouche. Là, il retourne, tu le renvoies dans son casier. Okay. Moi, quand j'étais petit, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ouais, fait que c'est infaisable. J'ai vu ça à ma blonde il y a 3 ans, tu sais, quand on a sorti ça. Regarde, tu renvoies les aliments. Hein, on peut faire ça. Ben, c'était ça la twist, parce que dans le jeu-là, tu meurs pas. T'as un meter, t'as un compteur en haut. Okay. Et chaque gaffe que tu fais, t'as 50 points, t'enlèves des points. Fait que si tu pognes un mauvais ingrédient, malheureusement pour toi, puis ça c'est très mal fait dans le jeu, ouais. Tu l'as pogné dans tes bras, t'es pas capable de t'en défaire. Okay. Faut le mettre sur ton hamburger, puis là, ben, ton hamburger il est plus bon. Fait que faut que tu le laisses descendre dans le convoyeur jusqu'à ce qu'il tombe dans le trou. Fait que quand il tombe dans le trou, tu perds un burger, puis ça t'enlève des points. Quand tu prends ton burger qui est prêt, tu vas le pitcher dans le trou correspondant à sa couleur. Ouais. Si tu le lances à côté, c'est très possible, puis qu'il éclate à terre, tu perds des points. Puis les ingrédients qui t'arrivent dessus, faut que tu épongues vis-à-vis ton corps. Si tu épongues d'en face, tu sais, il va t'éclater d'en face, puis tu vas perdre des points. Ça fait qu'il faut aller vite, mais faut que ton cuisinier soit placé au bon endroit pour attraper les choses, tu sais. Fait que c'est un jeu là de synchronisation. Hein. Puis aussi, fait que tu peux pas bumper des aliments mettons avec ta face, là. Faut que tu bumpes avec ta banane. Non, là. Pour bumper ça n'importe quoi, anything goes. Absolument. Mais pour les attraper, tu attrapes avec tes mains. Okay. Fait que c'est très réaliste. C'est réaliste, c'est ça la vie d'un gars qui fait des burgers. Absolument. Fait que dans le fond, ça se fait de même. Ce qui devient compliqué, c'est que plus tu avances, plus les burgers ils descendent vite. Ouais. Puis des fois, faut que tu penses à peu près 2 burgers et demi en même temps. T'sais. À peu près, ouais. Parce qu'ils t'envoient des salades, mettons, puis t'as pas besoin de salade dans le burger que t'es en train de faire, mais dans le prochain burger, tu vois dans ton tableau qu'il y en a un qui va demander une salade puis un fromage. T'sais. Mm-hmm. Fait que des fois, faut que tu penses à 2 burgers en même temps au niveau de tes ingrédients qui t'arrivent en face. T'sais. Puis. C'est ça, là, c'est vraiment tough dans ta tête de pas oublier que le burger d'en haut, ouais. Dedans, présentement, il y a une tomate et une salade, dans l'autre en dessous, il y a un fromage et un oignon, puis l'autre qui s'en vient, il va avoir besoin d'une laitue. C'est super. Caline. Mais ça a l'air bien compliqué comme ça, mais ça l'est pas, tu sais. Mais ça a l'air cool. Ça me fait penser un peu à un jeu. Il n'y avait pas un jeu où tu lançais des bières, où tu recevais des commandes, t'avais comme des. T'avais plein de grandes tables. Ouais. Ça ressemblait à un bar ou je sais pas trop. Puis tu recevais des commandes. Il fallait que t'aies porté ça ailleurs. Il y a eu plusieurs jeux de ce style-là. Sur l'Atari, ça? C'était sur Atari ou sur ordinateur quand on était jeune, mais c'est. Je remarque que ce genre de jeu-là, il y en a eu quand même pas mal, là. Genre de jeu d'assemblage, puis après ça, de lancer la commande à l'extérieur. Mais celle-là, c'est on dirait que c'est comme le père de ces jeux-là. Oh, parce probablement, que, parce que c'est vraiment... C'est vieux, ça. C'est quelle année? 83. Puis c'est assez unique en ce moment quand c'est sorti. Là. Fait que ça joue à deux, un après l'autre, si vous voulez. Il y a des niveaux de difficulté qui montent de 1 à 8. Okay. À 8, c'est juste que ça va très vite. Puis tout de suite, là, ouais. Tous tes burgers sont quasiment tout en dresse. Ça fait vraiment que tu regardes tes ingrédients comme il faut. Très difficile. Puis, bon, en intro, il y a un bon petit jingle, là, vraiment okay. Super catchy. Puis en background, t'as un petit son, là. Je sais pas, regardez un vidéo, je sais pas s'il est dessus, là, mais... Ah ben oui. Hey, ça, c'est de la toune. Ben, tu ris, mais faut pas que ça soit plus que ça, parce que t'es tellement concentré que si il fallait que ça soit compliqué, ça serait un vrai cauchemar. C'est tout le temps la même note! Toujours pareil. Puis moi, ce qui me surprend, là, il y a beaucoup de monde qui chiale contre les commandites d'un jeu. Mais le monde s'est rendu compte que dans un jeu comme Pressure Cooker, puis les jeux d'Activision en général sur Atari, il y avait le logo d'Activision dans le bas de l'écran. Ouais, tout le temps. C'est malade, ça. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un excellent jeu. Puis aussi pour revenir au système de récompense que tu parlais oui. Tantôt, Activision avait un système de récompense dans le temps. Donc ça date pas d'hier, ça là. Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Même ça revient avant l'Atari, à ce que j'ai vu. Donc Activision, ils ont eu un système de badge. Quand t'avais un high score, finalement, ouais. Puis ils te le disaient dans le livret d'instruction, mettons, t'achètes Pressure Cooker, si tu réussis à faire, je sais pas, au moins plus que 20 000 points, ouais. Prends ton écran en photo, puis envoie-nous ça, puis on va t'envoyer un badge, tu sais, comme un badge de scout, là. C'est vraiment hot, ça. C'est vraiment cool, puis les badges, ils sont super beaux. Il y en a à peu près une vingtaine de jeux d'Activision qui sont sur ce programme-là. OK. Puis il y a même des badges qui se complètent, tu sais, mettons, Star Master, tu sais, tu commences par, comme militaire, là, tu commences par avoir un petit crochet. Je sais pas comment on appelle ça. Après ça, t'en as un deuxième. Après ça, tu renvoies, t'en as un troisième. Puis après, t'as la grosse badge qui complète les trois autres. T'sais, vraiment une grosse affaire. T'en avais-tu une, toi, ou t'as connu ça sur le temps? J'ai connu ça. J'étais pas au courant de ça du tout. Là. C'est sûr que ça marche plus aujourd'hui, ces badges-là. Là, mais, non, malheureusement. Ils sont disponibles sur eBay si vous voulez. Là. Okay. C'est des systèmes de collection. Ils reviennent à peu près à. à 20$ chaque. Là. Fait que okay. C'est pas dit que je m'achèterais pas un couple de jeans à un moment donné pour mettre des bandages. un master. T'es comme le wizard. Fait que ce jeu-là, c'est un hidden gem, vraiment, mais comme, ouais. Étrangement, on dirait que tout le monde que je connais l'avait. Tu l'avais-tu, toi? Moi, j'avais aucune idée de son existence, puis j'ai vraiment hâte d'y jouer. Là. C'est... Ben ça, c'est un jeu, vois-tu, que quand je le sors, ça a l'air addictif, le monde joue encore. C'est le jeu d'Atari, parce que jouer à l'Atari aujourd'hui, c'est pas si trippant. Non, c'est ça. Mais ça, c'est le jeu qui fonctionne encore, qui réussit à capter un certain auditoire okay. Quand le monde vient jouer chez nous. Puis moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'Activision se grouille pas le cul pour refaire ouais. Le jeu de même et ressortir ça. Écoute, c'est parfait. Là. Il est ouais. Complet, ce jeu-là. On remet les clean aujourd'hui, rajoute des petits trucs, rajoute des achievements. Ouais, c'est ça. Puis ça va être un gros vendeur. Ben, il y a Burger Time qui se fait ouais. Refaire, justement. Burger Time World Tour, je pense que ça s'appelle. Fait que, tu sais, regarde, eux autres vont sortir leur jeu à thème de Burger. Ouais. Activision va probablement faire comme hey, c'est nous autres qui avons inventé ça. Fait que, c'est ça. Si vous voulez Burger... Pressure cooker. Aujourd'hui, juste la cassette en bonne. Moi, quand je vous dis les prix comme ça, c'est tout le temps quand même en bon état. Hein? Puis approximatif, mais les jeux en bon état. Donc, la cassette toute seule, environ 5$ avec la boîte livrée d'instructions de 20 à 30 à peu près. Okay. Si c'est vraiment là, la boîte, les coins ne sont pas brisés ni rien, 30 et plus. Cool. Puis, si vous voulez jouer à Pressure Cooker, parce que, comme je disais, j'ai pas vu ce jeu-là nulle part. Ouais. Sur l'Atari 2600, ben j'ai quand même trouvé sur le PlayStation 2 Activision Anthology. Okay. C'est un great asset des meilleurs jeux qu'Activision a fait sur le 2600. Puis ça, c'est un jeu qui vaut beaucoup la peine. Là, si vous ouais, puis il me semble qu'il est même, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il est même sur PSP ce jeu-là. Ah ouais? Puis ça se peut qu'il soit sur DS, il faudrait que je fasse des recherches, mais sur PSP, il me semble que je l'ai vu. Ah, il vaut vraiment la peine. Moi, j'ai acheté ça. Il y avait ça, puis Pitfall. Là-dessus. Parce que Pitfall, il me semble, c'était sur la même collection. Pitfall, c'est Activision, ouais. C'est ben, ça? Ouais, Pitfall est là-dessus. Mais ben, c'est ça. C'est les meilleurs. Mm. Fait que 10$ environ là, pour ce pas jeu. Pas cher. Ça vaut vraiment la peine, vraiment. Donc, nice. Pressure Cooker. Merveilleux. Yes. Moi, pour continuer, je vais te parler d'un petit bijou que j'ai trouvé sur plateforme iOS, fait que sur iPhone, iPod Touch. Ça s'appelle One Bit Ninja. Puis One Bit Ninja, je pourrais quasiment en parler comme un jeu rétro parce que c'est vraiment ça look rétro. Là. C'est Code 80 qui a fait ça. C'est un jeu qui coûte 2$. Puis le look, vraiment, c'est la première affaire qui va vous impressionner si ça se trouve parce que c'est comme si quelqu'un avait fait Super Mario Land sur tellement, le Game Boy puis il avait ajouté une autre dimension. Là, qu'est-ce que je dis, une autre dimension? C'est parce que dans ce jeu-là, il y a des caractéristiques spéciales. C'est pour commencer, c'est vraiment un platformer où tu marches de gauche à droite puis il faut que tu te rendes à la fin du tableau. Même le gars, il trippe tellement sur Mario qu'à la fin du tableau, faut que tu sautes sur un drapeau et puis faire descendre. T'sais. C'est pareil. C'est vraiment l'inspiration de Mario. Le gars, il se cache même pas de ça. Là. C'est, le graphisme c'est pareil. C'est identique. S'il n'y a pas des petits palmiers avec des coconuts. Là, exact. Là, c'est vraiment pareil. Les éléments sont à peu près de la même grosseur. Ouais, ouais. Petit, c'est hein, tout petit. Le sprite est vraiment petit comme Mario. Ah! Les cubes que tu sautes dessus ouais. Sont la même grosseur. C'est petit, puis trompe-toi pas. Puis moi, présentement, je suis en train de jouer en même temps en parallèle à Super Mario Land sur, ouais. Sur la 3DS. Puis je capote, Colin. C'est tellement dur. Puis bref, là-dedans. Justement, on veut voir c'est qui les hardcore gamers, ceux-là ben qui aiment les platformers parce que c'est un jeu qui est extrêmement difficile. Puis je vais expliquer la twist. Il y a deux twists dans ce jeu-là. Premièrement, on peut juste aller dans une direction, ce qui est assez incroyable. En pesant à gauche sur notre écran, on va pouvoir sauter. Puis en pesant. Non, c'est juste ça. On peut juste. Ouais. On va pouvoir avancer avec la gauche, puis on va pouvoir sauter avec la droite. Ça peut amener des problématiques. Parce que si tu vois quelque chose qui est intéressant, tu peux pas retourner en arrière. Ouais. Tu peux pas vraiment contrôler ton bonhomme comme ça te tente. Faut vraiment que tu finisses par mémoriser un tableau si tu veux tout débarrer. Tu peux évidemment aller de gauche à droite puis te rendre à la fin, mais même ça, c'est vraiment dur. Difficile. Ouais, ouais, je l'ai essayé, puis boy, puis c'est petit, encore une fois, pour sauter, faut que tu gages ton saut, là. Exact. Faut que tu sois vraiment précis, puis c'est... Moi, ce que je trouve vraiment excellent du jeu, C'est que, en plus de ça, le gars il a amené une autre dimension, c'est que tu peux, en glissant ton doigt sur le haut de l'écran, bouger l'axe du jeu, ouais, pour voir s'il y a des choses qui sont cachées, s'il y aurait peut-être des éléments du décor qui sont en avant puis d'autres en arrière. Comme un peu comme Mario. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Paper Mario, c'est le même principe. On peut découvrir certaines affaires en bougeant l'axe de la caméra. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que il y a plein d'affaires à débarrer dans le jeu. Il y a tout le temps 5 petits médaillons à débarrer. Puis si vous êtes comme moi, vous voulez les avoir, les Moses de médaillons, puis ça va être vraiment difficile d'aller les chercher. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Le jeu comme tel, il y a des ennemis, il y a des plateformes, il y a même, à la fin des niveaux, le gars a poussé l'audace pour copier Mario jusqu'à faire les fameux niveaux des châteaux de Mario. Fait que c'est vraiment pareil, t'as vraiment... de gauche à droite, tu t'en vas comme ça, tu vas... D'ailleurs, je vais t'ouvrir le jeu. De gauche à droite, tu t'en vas, puis tu vas faire la même affaire que dans Mario. Tu vas être dans un château, puis une espèce de château en briques. Puis quand tu joues dans ce château en briques-là, ça, c'est la musique qui est excellente en passant, là. Mais quand tu avances dans le château, tu t'aperçois que... c'est la même affaire. Ouais, hein? Il y a des boules de feu qui vont monter. Ouais, les ennemis se ressemblent. Tu ramasses comme des petites scènes là, aussi dans les airs. C'est ça. T'sais, la seule différence, c'est que ton bonhomme, c'est un ninja. Ouais. Puis, tu sautes aussi, écoute. Ouais. Ça fait Mario un peu. C'est vrai. Puis bon, évidemment, il faut ramasser des scènes comme dans Mario. Il y a aussi des fois des ressorts qui vont nous permettre de changer de direction. Fait que ça va nous aider ou ça va littéralement nous nuire, là. Parce que des fois, c'est vraiment tough, même avec ça. Ça te permet de reculer, au moins, là. Oui, ça te permet de reculer. Puis des fois, justement, il te permet de reculer à cause que t'as une affaire à ramasser à quelque part. Fait que des fois aussi, c'est un peu un indice de ce qu'il faut que t'ailles chercher. Mais moi, ce jeu-là, je l'adore bizarrement, mais c'est comme de la torture, là. C'est vraiment du masochisme de jouer à ça. Parce que tu t'arrêtes pas de mourir, là. Tu meurs tout le temps. Puis c'est drôle parce que le gars, ils ont sorti le jeu pour les hardcore gamers, vraiment. Puis au début, ils disent, ben, garde, là, tu commences ta partie, t'as 3 vies, je pense. Puis si tu meurs au bout de tes 3 vies, ben, c'est tout bad, mon gars, on te donne des vies à l'infini. Fait que c'est comme une insulte. Fait que là, tu vois ton bonhomme en haut, ton indicateur, ça devient un signe de l'infini. Puis là, tu fais comme, ah, c'est nul. Je suis poche. Tu peux-tu faire un reset, quelque chose? Je pense que tu peux faire un reset quand même. Moi, je l'ai laissé comme ça, je l'ai installé, puis j'ai jamais rien changé. Ouais, fait que je suis resté comme... Tu passes au travers aussi. C'est ça. Doit être long, quoi. C'est vraiment long. C'est 20 niveaux. OK. Mais 20 niveaux, chaque niveau, dès le premier tableau en passant, est vraiment dur. Ils sont tous également difficiles du premier au 20e. Ah ouais, vraiment. C'est juste qu'à un certain point, bon, il y a des plateformes dans les airs aussi qui vont bouger, fait que ça devient de plus en plus difficile. À un moment donné, un truc pour ceux-là qui vont jouer, un excellent truc, si tu es sur une plateforme qui bouge puis tu veux revenir en arrière, tu fais juste sauter sur place, fait que ton bonhomme finit par tomber de la plateforme puis il va aller dans la plateforme en dessous ou d'autres. Fait qu'il faut même que tu développes des techniques, que tu réapprennes à jouer au jeu de plateforme. Parce que c'est une autre histoire, là. C'est une autre histoire. Faut que ça rentre dans le sens de le contrôle-là. Parce que moi, j'ai quand t'es juste dans une direction, ça marchait pas, là. C'est ça. C'est juste une direction. On n'a jamais vu ça. Puis moi, je crie au génie, vraiment. C'est vraiment une excellente idée. Très bonne idée. C'est monochrome aussi, comme Mario Land. Au départ, c'est jaune et gris, comme un vieux Game Boy. Exact. Il se rajoute un petit dégradé en background. Ben, c'est ça. Il fait un peu le même traitement qu'il y a eu avec le Game Boy Color. Il ajoutait des petites couleurs dessus, mais c'était rien de trop fancy. Puis il reste tout le temps dans cette même optique-là. Vraiment, le jeu, il reste avec le même look tout le long, mais évolue un peu. Mais c'est vraiment ça, jeu de gauche à droite, jeu de plateforme. Si tu penses que t'es vraiment bon à Super Mario Bros, puis tu te dis, moi là, c'est des jeux de bébé, les jeux de plateforme, puis je suis vraiment meilleur que tout le monde, bullshit. T'es pas bon, OK? Parce que ce jeu-là, ça va vraiment tester tes attitudes, ça va te faire enrager, ça va te faire garocher ton téléphone ou ta plateforme iOS, puis tu vas triper. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est que malgré toutes les fois où on va mourir, on va continuer à jouer. Il n'y a pas vraiment de temps de chargement dans ce jeu-là. Ouais, c'est ça, je suis en train de jouer présentement. C'est ça. Ça part vite, là. Dès que tu meurs, tu recommences. Tu recommences, tu recommences, tu recommences. Puis une chance que tu as des vies à l'infini parce que tabarnouche, ça sent encore plus frustrant. T'sais. Même si, bon, moi, j'ai accepté ma honte, ma faiblesse, que j'étais pas capable de le faire en trois vies. Ouais, c'est ça. T'es comme, ok, t'es nul. Une affaire qui est intéressante, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. C'est divisé en quatre mondes de cinq niveaux chacun. Puis quand on a terminé un tableau, on l'a débarré. Fait qu'on n'est pas obligé de recommencer au début. On peut recommencer où on avait laissé le jeu. Ouais. Fait que ça, c'est très bien. Puis les ennemis vont évoluer aussi. Il y a des ennemis qui vont finir par lancer des projectiles puis tout ça. Fait que c'est un jeu qui évolue. C'est un jeu qui vous en donne énormément pour votre argent. Parce que moi, regarde, ce jeu-là, j'ai acheté il y a un mois environ. Puis je joue pas mal une partie à tous les jours. Là, puis il m'a coûté 2$. Fait que vraiment un bon achat. Allez chercher ça sur le iTunes App Store. C'est un jeu qui coûte 2$ pour iPhone, pour iPod Touch. Allez-y, c'est un must. Et au final, on va vous faire écouter le bruit que ça fait quand on meurt, quand on dit référence à Mario. Quand même. En plus, ton petit bonhomme, il saute. Il saute dans les airs, ça fait... Ouais. C'est pareil, là. Fait que, non, vraiment, si vous aimez Mario, si vous aimez ce genre de jeu-là, là, très cool. Un must, vraiment bon. Fait que c'est ça qui conclut notre deuxième épisode de Rétro Nouveau. On est vraiment content, sérieusement, on est vraiment content de votre support, autant pour nos deux sites, pour Rétro Nouveau. On est vraiment content de faire ça. On va continuer à le faire à chaque semaine le plus rapidement possible. Ouais, le plus rapidement possible, oui. Peut-être vous allez trouver qu'on est speedé un petit peu, mais c'est qu'on est un petit peu coincé dans le temps quand on fait nos podcasts. Exact. On essaie de rentrer un maximum, puis si on veut le faire à toutes les semaines, c'est notre seule façon. C'est ça. Donc. Parce qu'on enregistre ça le midi en passant. Ouais, hein, c'est présentement. Sur nos heures de travail, sur l'heure du midi. Exact. On retourne travailler tantôt, fait que vous pouvez voir qu'on le fait vraiment par passion. Vraiment. Fait que. On est super content de faire ça, puis on va continuer, puis on vous demande vos commentaires. Donnez-nous vos commentaires sur Absolument. Facebook, sur notre page. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, c'est @retro_nouveau. Puis vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook. Vous avez juste besoin de chercher Rétro Nouveau. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes, à aller sur notre site retronouveau.ca. Puis c'est ça, vos commentaires sont les bienvenus, vos critiques sont les bienvenus, tout est bienvenu, on accepte tout, même le cash. Yes. OK, salut. Bye. Retro Nouveau.